Eh bien bonjour à vous les amis, vous êtes bien sur Fadjet 94.2 pour l'émission Call du Beloved. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui nous retrouvons pour une nouvelle émission reggae où je vais vous présenter 8 artistes fabuleux comme Papa Steel, Volodia, Bigaranx, Iwox, sans oublier Kana, Tiken Jaffa Coli, Les Zan Zero ou encore Shaggy. Allez les amis, commençons avec le premier artiste qui s'appelle Papa Steel. La chanson est sortie en 2016 et elle se nomme Solid. Stand by. Natsu, I think we have a problem. There's a fucking sound system on the move. En assiste, en push-up, nos artistes. Quand on débarque, on clash, les imitateurs de Gearpist. J'ai même vu des compétiteurs se rayer de la liste. Voilà mes chers Rasta, c'était Papa Steel. Je vous propose qu'on continue avec un chanteur très talentueux qui se nomme Volodia. Il va chanter la chanson Je suis, elle est sortie en 2010 et c'est parti. Qu'une simple poussière si on me regarde du ciel. Je suis la trace de mes frères qui suis là. la grâce de mes pères qui me laissent une terre mère entre l'enfer et les vénères. Et je suis l'initié, hey, on m'apprend quoi faire pour s'immiscer, non, non, dans le moule de cette galère. Je suis l'enfant inconscient, insouciant, mais sans tant qu'on me ment quand on me dit que l'argent est plus important que mon sens. Sans et comprendre le sens de l'existence avant seul, mais j'aimerais qu'on soit ensemble, alors parfois je pleure. Et mon cœur bat de plus en plus vite au fil des ans, tout s'accélère, man, tout devient plus speed. Je sais à peine marcher quand me demande de courir. Je m'essouffle et souffle sous les de voir notre planète mourir. Alors je suis sage, avec l'âge tourne la page. Je crois que le stress pour le partage, ça choque peut-être, mais c'est dommage. Je suis naturel, je suis loin des querelles, j'apprends des autres et je sais que c'est ce qui me donne des ailes. Je suis moi-même, je suis à même de savoir ce que je sème, bannir la haine et la peine et ne pas rester dans leur chaîne. Je suis normal, je suis banal, car on est tous original. Du rude boy au grand sage, chacun sa vibe, tel principe. Humanity, je me permets de t'écrire, mais je ne sais pas qui tu es, non. Et fini par trouver ma place. Je suis l'amour et l'ami pour toujours toute la vie. Un jour découvre des sentiments qui passent par le cœur et l'esprit. Je suis le frère Sista, pour elle boule up Selecta. Je suis le fils maman, toi qui m'as offert tes bras. Et le lion rugit en Babylone, dans l'ambé quand elle est en ensemble. Des tonnes et des tonnes de bombes, man, c'est tout comme. Si derrière mon ombre une âme me pousserait à me battre, man, pour m'asseoir sur le trône. Je suis le vice et l'illicite, je suis le risque et l'homicide. Je suis triste et maladif, et je suis surpris par la crise. Je suis aussi 6 milliards de sourires, car au-delà d'une couleur, on finira par s'unir. Oi, oi, je ne suis rien dans l'univers, juste une simple poussière à qui on donne terre et mer. Oi, oi, oi, oi, je ne suis que l'homme, mon frère, une bourrasque dans l'air, un grain de sable dans le désert. Humanity, je me permets de t'écrire, mais je ne sais pas qui tu es, non. Les amis, c'était Je suis de Volodia. Allez, notre prochain artiste s'appelle Bigaranx. Il est né en 1988 à Tours. Sa chanson s'appelle Live Long. J'espère qu'elle va vous plaire. Like rabbit, and they don't want to see me life long. c'était Big Wrongs. Allez, pour continuer cette émission, je vous propose qu'on passe à l'artiste suivant qui se nomme Harry Wox. Je vais vous faire découvrir l'une de ses chansons qui se nomme A Tab. Vous allez voir, c'est juste super. Roots and culture. Messieurs, venez vous asseoir à ma table. Prenez place, je vous en prie, ce siège est-il bien confortable? Voulez-vous boire quelque chose de délectable? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je vous préviens, l'eau n'est pas potable. Voici la carte, n'hésitez pas si vous avez des questions. Permettez-moi de vous faire ces quelques propositions. Je peux vous faire déguster un excellent millésime. Son taux exceptionnel de sulfite est rarissime. Où désirez-vous la carte des boissons sans alcool? Elles sont toutes sucré à souhait, la digestion sera plus folle. À table, il est l'heure de passer. À table, un dîner presque parfait. À table, c'est le moment de savourer. Nous vous invitons à prendre place. Pour introduire votre repas, voilà le choix que je vous sers. Soit le plateau de charcuterie au nitrite aromatique, soit la salade de tomates toutes saisons qui ont poussé sous serre, accompagnée d'une mozzarella 100% synthétique. Pour continuer à vous décrire la suite de ce menu, je vous suggère une volaille qui n'a jamais vu le jour. Je vous assure qu'elle est restée enfermée, immobile dans une cage sans issue. Elle n'avait pas de plumes comme toutes ses voisines de la cour. Si votre choix se porte plutôt sur une viande rouge, c'est saignante ou bien cuite, elle est à point contaminée. Issue de vaches folles si délicieuses en bouche, on ne connaît pas leur provenance ni ce qu'elles ont ruminé. En accompagnement, voilà ce que nous vous proposons. Les légumes ne sont évidemment pas de saison. Ils sont chargés en OGM, en pesticides, c'est tout ce que l'on aime. Ils arrivent tout droit de l'autre bout du monde, les paysans ne savent même plus ce qu'ils sèment. Ne savent même plus ce qu'ils servent. À table, il est l'heure de passer. À table, un dîner presque parfait. À table, asseyez-vous, détendez-vous, régalez-vous. Voici des fromages reconstitués. Ils sont tous d'appellation sans origine contrôlée. La vache qui rigole, le carré qui rit. Une farandole de marque commerciale pour votre harakiri. Concernant les desserts, vous êtes dans la meilleure cantine. Nous disposons d'une flotte de micro-ondes en cuisine. Nos tartes industrielles sont fraîchement surgelées. Vous les connaissez, ils ont le même fournisseur juste à côté. Est-ce que tout s'est bien passé? Avez-vous bien mangé? Est-ce que vous êtes satisfait? Notre carte vous garantit d'entretenir vos cancers et vos excès. Nous vous remercions d'être passé nous voir. En réglant l'addition, n'oubliez pas mon pourboire. N'hésitez pas à parler de nous, faites de la pub autour de vous. Nous allons encore nous perfectionner, allez-y, empoisonnez-vous. Anesthésie de vos papilles gustatives. La chimie et des cultures intensives. À table, il est l'heure de passer. À table, un dîner presque parfait. À table, c'est le moment de savourer. Ça, c'était Harry Wox à table. Allez, poursuivons maintenant avec un autre chanteur. Il s'appelle Kana. La chanson se nomme Plantation. Je vous laisse écouter. On se retrouve juste après. Petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi, j'ai planté coco. Coco, ça pousse pas.

la xénophobie après l'ivoirité. Ils ont créé les houlets et les olés, mais mon pays va mal, mon pays va mal, mon pays va mal, de mal à mal, mon pays va mal. Kojomana nyamula, on va faire gagner jamana nyamu. Rasta, c'était Tiken Jafakoli, Le pays va mal. Allez, continuons à présent avec notre avant-dernier chanteur qui nous vient tout droit du Japon. Eh oui, du Japon. Il s'appelle Lazan Zero et il va nous interpréter la chanson Ibikila. Vous allez voir, je suis sûr que vous allez adorer. Now this one song is dedicated to my late friend, rest in peace. Joke sting, and I'm a joke thing. Kaita will kill everybody like serious disease. Oh yeah, it. Asomise, eat. Oh yeah, eat. Don't put my bridge in the harm's way, eat. Kudaranai jinsei kamoshirenai ne. Demo dou kawarawanai ne. Shintai naru kazoku tomodachi na ore no you ni wa naranai ne. Kuda janai to shinjiteru ze tengoku de. Dakara jibun no semerai de. Ore no bun made tsuyoku ikinuite kure. Kete hitori na ya. レイブイベントネットで温まい見くフレンドのレントって奴か。ゲットしたテントで初めて決めた冷たいフレンド。動機はノリと興味本気通りの自分に慣れたよのぞみ通り。1日1日上の日常異常と正常とグリと移りょう。ほぼ依存症とのボーダー上。使用量ミスって くだらない人生かもしれないね。でもどう変わらないで。親愛なる家族友達みんな俺のようにはならないで。無駄じゃないと信じてるぜ天国で。だから自分を責めないで。俺の分まで強く生き抜いてくれ。決して一人悩まないで。 そうかなんだそりゃふざけんな。あいつが死んだそんなバカな。きっと何かの間違い。誰かの勘違い。この目で仏見るまでは信じない。なんで助けられなかった。なんで本気で止めてやらなかった。あえて言うてめえはバカ野郎だ。そして俺もバカ野郎だ。くだらない人生かもしれないね。でもどう変わらない。 無駄じゃないと信じてるぜ天国で。だから自分を責めないで。俺の分まで強く生き抜いてくれ。決して一人悩まないで。 Yo! 危機意識と知識かなり軽い。 真面目なやつほどハマりやすい。また強がるやつほど実は弱いし、純粋なやつほど抜けられない。ただ戦わないやつに明日はないから、現実逃避せずステンドバンファイト。意味ない人生などありはしないから、リボピナポジティブバイブ。くだらない人生かもしれないね、でもどうか笑わないで。親愛なる家族友達みんな俺のようにはならないで。無駄じゃないと信じてるぜ天国で、だから自分を責めないで。俺の分まで強く生き抜いてくれ、決して一人悩まないで。くだらない人生かもしれないね、でもどうか笑わないで。家族友達みんな俺のようにはならないで。無駄じゃないと信じてるぜ天国で、だから自分を責めないで。俺の分まで強く生き抜いてくれ、決して一人悩まないで。 C'était Ibikila de Less Than Zero. Les amis, cette émission est déjà presque finie. Ah, c'est fou quand même. Hein. C'est déjà notre dernier chanteur. La chanson est de Shaggy et elle s'appelle I Can't Fight This Feeling. A kind of love me in and not like when I did up Tina. More like brother and Angelina. Make me left beside Regina. Really wasn't my arena. I feel live my life on Tina. Oh man, up with that sexy queen, yeah. Hey! You bring the fire, baby. The passion and desire, baby. You take me higher, girl. I can't fight this feeling. You bring the fire, baby. The passion and desire, baby. Deny, I am petrified, emotionally stable, but truly mystified. I'm clearly captivated, cannot stop these butterflies. Tonight, you know I will be with my bona fide. She give me the goody goody till I know me still amazed. She won't me tell me all the thing, but she will play away. Me junk her friend them all, I tell me say it's just a phase. And see me I walk a kick stone and gaze. Hey! You bring the fire, baby. The passion and desire, baby. You take me higher, girl. I can't fight this feeling. Here, couple things, let's make it clear. If you need me, I'll be there. Never leave you, this I swear. If you cry, I'll wipe your tears. When you hold me, rock your chair. Every little burden I will share. Yo! I love you even with your flaws. Have your back, support your cause. I will answer all your calls. Push when your momentum starts. You deserve the most applause. Girl, I love you just because. Ain't no love quite like ours. Whoa! You bring the fire, baby. The passion and desire, baby. You take me higher, girl. I can't fight this feeling. Must be very revealing. Cause from the day we met, I never showed you my feelings. You broke in my defense and put my heart up for stealing. I know the thought of you and me is very appealing. Well, what a trip, it cut me like the whip. The woman not be weak, it's like me lose my grip. My friend them all, I look for me, I wonder if they sick. It couldn't be a trick. Me a boy no mad over no trick. Eh bien voilà les amis, cette émission est déjà finie, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous, bonne semaine à tous, on se retrouve dimanche prochain à 21h sur Fadjet, salut tout le monde.